je vous présente Madame de Saint-Amarante. Je rends hommage à sa beauté, mais pourquoi ce nuage sur son front attristé? Pourquoi? Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant je vis à l'auteur, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, s'en demeure dernière. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, ou du moins, ou du moins, je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel? Le dîner est servi.